à des performances de chaque instant. On se prépare pour la méditation intranquille et on cède la parole. Alors attends, pour ça, il me faut un peu de technique. Voilà. C'est tout vert. Salut, c'est Camille, a.k.a. Ravy Ferix. On se retrouve ce matin pour la dernière méditation intranquille de cette saison d'Archipel. On a commencé ces méditations, enfin j'ai commencé cette méditation seule le premier jour. Ensuite, il y avait Seth qui m'avait rejoint pour deux épisodes. Et par la suite, OCB nous a rejoint pour deux autres. Et il y a eu une session avec Dagmar. Donc avec Dagmar et moi. Et aujourd'hui, c'est un tutti frutti où on est réunis. On est donc avec 7 OCB, Emma 3000, OBC. Zut, OBC. Ça, c'est bien. Emma 3000, Antoine Leng, Alix et moi. Bonne écoute. Yeah, on s'accorde, yeah, on s'en check. Sound check. Thank you.

C'était trop super. Merci. À l'année prochaine. Bisous. Gros bisous. Bonne journée à tout le monde. C'était Audiosciences. Au revoir, Antoine. Au revoir, Emma.